Merci, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voudrais vraiment remercier Laurent, Angèle Haber et Vianney Muller pour m'avoir proposé d'intervenir cet après-midi. Donc voilà, pour préciser un petit peu le sujet de mon intervention, on va s'intéresser au Second Empire et aux liens entretenus donc, entre le Second Empire et la Lorraine. Pour étudier l'histoire de ces relations entre la Lorraine et le Second Empire, je vous propose de nous arrêter sur une année en particulier, l'année 1866, car comme vous le savez, 1766-1866, cette année-là, on va fêter donc le centenaire de la réunion de la Lorraine à la France. Donc, ces fêtes de 1866 sont vraiment un événement extrêmement important à l'échelle de la région. Alors, je vous projette là, à l'image, j'espère que vous voyez bien, une des toutes premières photographies, à ma connaissance la plus ancienne, qu'on conserve de la place Stanislas. Donc, photographie non posée d'un événement animé. Et ce que vous pouvez voir sur cette photographie, ce sont donc le défilé des municipalités rurales devant l'impératrice à Nancy, le 15 juillet 1866. Donc ces fêtes à Nancy, vous allez le voir, vont comporter de nombreuses festivités, de nombreuses manifestations pour les officiels, mais aussi, c'est très important, pour le grand public qui va se déplacer en masse pour l'occasion. Donc cet événement est intéressant à étudier parce que c'est vraiment un apogée, un temps fort durant lequel les relations entre le régime impérial et sa province vont être mises en scène. Et pour nous, c'est vrai qu'il est d'autant plus intéressant à étudier qu'on conserve une trace matérielle, une publication officielle qui va paraître quelques semaines, quelques mois après l'événement, un album qui relate la venue de l'impératrice en Lorraine en 1866. Donc pour bien comprendre les enjeux à l'œuvre, en introduction, juste vous rappeler rapidement les liens entretenus entre le Second Empire et la Lorraine. Donc c'est vrai que ces liens doivent beaucoup à la dynastie et à la confiance que les Lorrains vont porter dans la dynastie napoléonienne. Pour les Lorrains, Louis-Napoléon Bonaparte, lorsqu'il se présente aux élections, c'est d'abord un nom, c'est le neveu de Napoléon Ier, auquel la population paraît particulièrement attachée. D'ailleurs, c'est assez intéressant, donc très rapidement, de voir à travers les collections du musée Lorrain cet attachement. Il se trouve que dans les réserves du musée, puisque pour l'heure, nous n'avons pas encore l'occasion de présenter ces œuvres dans les parcours de visite, mais dans les collections du musée, on conserve un grand nombre de statuettes à l'effigie de l'empereur, de nombreux petits objets d'artisanat. Là, vous voyez un moule à gaufres, par exemple, un petit sifflet, des assiettes, enfin de nombreux objets à l'effigie de l'empereur. Et des objets qui vont se diffuser notamment à partir de la monarchie de Juillet suite au retour des cendres. Donc l'empereur tel qu'on le voit dans nos collections et donc tel que la population va également le voir, c'est un Napoléon populaire, un ami du soldat qui est un héros national et c'est à ce héros national, à ce souvenir que se rallient les Lorrains. C'est à ce souvenir que se rallient les Lorrains en 1848, donc suite aux journées révolutionnaires. Donc, dans les classes populaires, comme on l'a dit, ce nom est synonyme de grandeur, d'espérance. Et donc, c'est ainsi que lorsque le neveu de Napoléon se présente aux élections partielles à Paris et en Moselle, il est facilement élu député à l'Assemblée constituante, et ce, dès le premier tour. Donc en dehors d'une fraction évidemment de la bourgeoisie urbaine et de quelques notables monarchistes, la population des départements lorrains est spontanément bonapartiste et elle le restera quasiment jusqu'en 1870. Donc de président à empereur, le coup d'État de 1851 ne va appeler aucune réaction particulière en Lorraine. Au contraire, le plébiscite, il va être massivement approuvé par le plébiscite qui le suit. Donc l'installation du Second Empire en Lorraine, en dehors de quelques républicains qui vont être très vite neutralisés, le régime va s'installer quasi sans difficulté et va prospérer en particulier durant la décennie 1850 et puis il va être auréolé de ses victoires en Crimée puis en Italie. Alors, on a deux premiers voyages de Napoléon III en Lorraine, d'abord en 1852 à l'occasion de l'inauguration de la ligne de chemin de fer, puis en 1857 lorsque Napoléon vient prendre les eaux à Plombières. Et ces deux voyages des années 1850 sont déjà des grandes manifestations d'attachement de la Lorraine à l'empereur. Donc, ce qui peut être intéressant, donc, après cette première période de lune de miel, c'est de voir comment ces relations vont évoluer, en particulier durant la décennie 1860. Donc, pour évaluer et analyser l'évolution de ces liens, je vous propose donc de nous arrêter sur cet album, édité donc, à l'occasion du voyage effectué par l'impératrice et le prince impérial en 1866, à l'occasion donc des fêtes séculaires de la Réunion à la France. Donc, pour vous présenter cet album un petit peu plus en détail, l'album donc, qui paraît en mars 1867 provient de la collection Lucien Wiener. Vous avez ici l'ex-libris de Lucien Wiener, qui est une collection, un fondateur important du musée Lorrain à Nancy. Et donc cet album, plus précisément, appartient toujours à la Société d'histoire de la Lorraine et du musée Lorrain. Alors ce n'est pas un album extrêmement rare, on le trouve dans de nombreux fonds, collections privées, depuis la bibliothèque municipale de Nancy par exemple, jusqu'au Metropolitan Museum de New York. Donc à quoi ressemble cet album? En quoi consiste-t-il? Donc c'est un album relativement long puisqu'il compte 60 pages. Et la principale caractéristique de cet album, de cet ouvrage, est qu'il est très illustré et qu'il comporte donc de nombreuses gravures qu'on va pouvoir regarder ensemble. Autre caractéristique de cet album, il est organisé en trois grands chapitres. Et notre album ne commence pas du tout par une histoire lorraine, mais par une histoire picarde, puisque en réalité, tout l'avant-propos est consacré au voyage à Amiens de l'impératrice Eugénie, qui va être un voyage, vous allez le voir, qui va être souvent cité en référence durant tout le reste du récit. Le corps du texte, comme évidemment ce qui va nous intéresser plus particulièrement cet après-midi, est dédié donc au voyage en Lorraine et plus particulièrement aux fêtes qui vont être organisées à Nancy, aux fêtes nancéennes. Enfin, en appendice, on retrouve la liste des décorations qui vont être remises par l'impératrice durant ce voyage en Lorraine et aussi la liste des souscripteurs pour l'édition de cet album. Donc, grâce à une lecture critique de cet album, on va pouvoir se poser de nombreuses questions pour essayer de mieux appréhender les relations entre donc, le pouvoir central, le Second Empire, et la Lorraine en 1866. Plus particulièrement, on va essayer de voir quel est le discours porté par le Second Empire sur la Lorraine, une région, on le verra, aux velléités décentralisatrices, velléités qui vont être interprétées de différentes manières. Et ce qui peut être aussi intéressant de voir au travers de cet ouvrage, c'est comment l'histoire entre la France et la Lorraine va être réécrite au fil des pages et comment l'histoire franco-lorraine va être visiblement mise au service du projet politique d'un second empire qui est alors en proie à d'importantes difficultés intérieures et extérieures. Donc pour évoquer ces différents points, ces différentes questions, je vous propose tout d'abord de nous intéresser au récit des voyages officiels sous le Second Empire, en tentant de resituer notre album dans un corpus un peu plus large. Et ça sera également l'occasion d'interroger finalement les motivations de ces voyages officiels et les motivations officielles et officieuses de la venue du voyage impérial, donc en Lorraine. Puis, en décryptant l'album, nous nous arrêterons sur le portrait de la famille impériale qui est dessiné par ce récit. On verra que ce récit, l'album, confère une place très très importante à l'œuvre bienfaisante de l'impératrice Eugénie, qui est en fait la véritable héroïne de l'album, et plus largement la véritable héroïne de l'événement. Enfin, nous verrons quelle est la Lorraine décrite par cet album. Donc on pourra découvrir une région à l'économie toujours dynamique, restée fidèle à Napoléon, et dont, selon l'auteur, l'histoire a finalement toujours été lié au destin français. Alors, notre album, comme on le disait, relate un voyage officiel, donc la venue en Lorraine de la famille impériale à l'occasion des 100 ans de la réunion de la province au royaume de France. Donc ce voyage impérial n'est pas du tout un événement isolé ou inédit. Il s'inscrit dans la lignée des voyages officiels des chefs d'État, des cérémoniaux donc politiques anciens, on se souvient par exemple des cours nomades des rois de France, donc des cérémoniaux qui participent pleinement du processus de légitimation du pouvoir. Donc par des spectacles allégoriques, par des décors soigneusement préparés, des réceptions officielles, des discours prononcés selon une étiquette très stricte, ces mises en scène doivent renforcer le pouvoir en déployant de nombreux symboles. Les voyages officiels de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, qui sont régulièrement accompagnés de leur fils, donc du prince impérial, s'inscrivent dans cette tradition ancienne avec pour objectif le ralliement au régime du peuple et des milieux d'affaires locaux. Puisque né du coup d'État du 2 décembre 1851, l'Empire est en effet à la recherche de soutien politique. Ce régime neuf, nouveau, manque d'assises, notamment après 1858, alors que la politique libérale et étrangère menée par Napoléon III provoque des tensions avec les milieux conservateurs. Dans ce contexte, dès les premières années de la décennie 1850, le régime porte une attention particulière à la promotion des régions et à la promotion de la culture populaire. Donc, Napoléon III est régulièrement en province, il voyage beaucoup à l'occasion des inaugurations de gares, on l'a vu en 1852 par exemple, dans les départements de l'Est, avec l'ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg. Ces déplacements et l'attention portée aux provinces ne signifient pas du tout que le pouvoir est favorable à une décentralisation ou soit favorable à une indépendance de ces régions, bien au contraire. Ces voyages et la mise en scène d'un régionalisme pittoresque doivent en réalité renforcer le pouvoir. Pour élément de comparaison, bien avant notre voyage en Lorraine, Napoléon III et Eugénie avaient fait un placement en Bretagne en 1858, déplacement très important, très relayé par la presse de l'époque. Donc cette visite triomphale avait pour objet de conforter le Second Empire dans une région travaillée par des opposants royalistes légitimistes et républicains. Donc ce voyage était stratégique pour l'empereur. Il devait démontrer l'intérêt qu'il portait aux Bretons et valoriser les progrès économiques et technologiques permis par son régime. En outre, ce voyage avait pour objectif de préparer l'opinion catholique à la future entrée en guerre du pays en faveur de l'unité italienne. Plus tard, en août-septembre 1860, Napoléon III se déplace dans les régions toutes récemment rattachées à la France, donc à Nice et en Savoie. Là encore, le voyage est stratégique et se poursuit par Marseille et l'Algérie, qui fait l'objet d'un second grand séjour en 1865. Donc ces voyages officiels avaient donc pour objectif de renforcer l'allégeance des périphéries au nouvel ordre politique. Donc les voyages officiels dans les départements de l'Ouest en 1858, en Savoie, à Nice, à Marseille en 1860, dans le Puy-de-Dôme en 62 ou encore en Algérie en 1860 et 65, vous le voyez, font tous l'objet de publications officielles. Mais seuls deux de ces voyages vont être transcrits par des albums richement illustrés. Le premier, on l'a vu, c'est le voyage en Bretagne en 1858, qui va être très commenté, très rapporté. Et le second voyage à bénéficier donc de ce type de publication, c'est donc notre fameux voyage en Lorraine en 1866, dans le contexte des fêtes séculaires de la Réunion à la France. Donc plus précisément, pour la Lorraine, on va trouver un texte rédigé par Félix Ribert, donc qui est un journaliste, un historien, et qui est un texte qui va être publié par la maison d'édition parisienne Henri Plon, donc qui se présente comme libraire-imprimeur de l'empereur. Donc il s'agit bien d'une publication officielle. Cette édition, donc, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais est richement illustrée. Donc on trouve de nombreuses gravures. Au total, 18 graveurs vont collaborer à cette publication. Et ces gravures vont nous présenter toutes les villes traversées, Bar-le-Duc, Toul, Nancy, Lunéville. Elles peuvent également nous dépeindre des événements marquants de ce voyage. Donc là, vous avez par exemple à l'écran le grand banquet qui va être donné dans la galerie des serres du palais ducal de Nancy. On va pouvoir également voir l'impératrice à l'hôpital Saint-Charles de Nancy. On peut également découvrir donc le bal donné dans les grands salons de l'hôtel de ville. Donc là, nous sommes encore à Nancy. Les fêtes de Nancy étant particulièrement importantes, elles vont faire l'objet de nombreuses gravures. Et puis, à la fin du voyage, l'impératrice termine son voyage par Lunéville, voilà, où est donnée cette grande fête qui va donner lieu également à une belle gravure. Donc je ne vais pas vous citer le nom de tous les graveurs, mais on compte parmi eux hein, des graveurs célèbres du Second Empire. Et il faut noter également que l'une de ces gravures, donc une gravure de Jacques Mar, a été faite d'après un dessin d'Ernest Meissonier, donc d'après un artiste important du Second Empire. Donc si ce voyage impérial n'a pas fait l'objet de commandes d'artistes, de peintres, qui auraient mis l'événement donc, en peinture, comme ça va être le cas pour les voyages en Algérie, par exemple, il fait donc toutefois l'objet d'une attention particulière de la part du régime qui souhaite vraisemblablement que l'événement soit diffusé, notamment par l'image, et reste dans les mémoires. Donc la volonté est nette d'inscrire le régime dans l'histoire, que ce soit par cette publication, ou par son contenu même qui, nous allons le voir, fait largement référence à l'histoire de France, ancrant ainsi la dynastie impériale dans la lignée des plus grands souverains. Donc on peut se demander quelles pouvaient bien être les motivations de ce voyage de 1866 et quelle est la place finalement des fêtes et de ce centenaire commémoré en 1866 dans les motivations du voyage impérial. Donc, en regardant plus précisément les choses, en retournant aux archives, on peut voir que donc, dans le registre des délibérations du Conseil municipal de Nancy, que les instances municipales, les instances locales, s'intéressent pour la première fois dans un cadre officiel aux célébrations de la réunion de la Lorraine à la France lors de la session extraordinaire du 19 janvier 1866. Donc, ils s'y prennent un peu tard, on pourrait dire, on est quelques mois avant l'événement. Donc le baron Buquet, qui est maire de Nancy, explique alors qu'il a été saisi d'une demande appuyée par une pétition, donc une demande qui émane des habitants, de la population, pour organiser, je cite, « une manifestation ayant pour objet la célébration, par une fête populaire, de l'anniversaire de la réunion de la Lorraine à la France ». Donc le conseil municipal décide de mettre en place une commission composée d'habitants. Donc ce que je vous ai montré là, c'est... des arts graphiques qu'on conserve au musée et qui vraisemblablement présentent des projets d'affiches hein, qui vont être placardés dans la ville durant les festivités. Donc on reconnaît évidemment les deux symboles à la fois lorrains et impériaux qui sont rapprochés. Donc le conseil municipal, comme je vous le disais, décide de s'appuyer sur les habitants donc, et met en place une commission pour ouvrir une grande souscription, pour financer et pour préparer le programme des festivités. Donc il semble donc que l'organisation des fêtes séculaires soit vraiment née d'une volonté locale, voire même nancéenne. Plus tard, à l'occasion du conseil municipal du 31 mars 1866, le maire annonce qu'il n'est pas impossible que l'empereur, accompagné de l'impératrice et du prince impérial, assiste à la fête. Donc c'est finalement une volonté locale qui va susciter un intérêt national et donc qui va mobiliser l'empereur en Lorraine durant l'été 1866. Donc du fait de cette annonce de la venue de l'empereur, le conseil va voter une somme de 30 000 francs pour accueillir ses hôtes illustres, en plus de 10 000 francs de participation à la souscription. Donc si le contexte festif est mis en avant par le maire, il est aussi intéressant de noter que ce voyage, donc que ce souhait de l'empereur de se joindre aux fêtes, est décidé un an après qu'une petite vingtaine de Lorrains, donc 19 hein, précisément pour échapper à la loi sur les associations, une petite vingtaine de Lorrains a fait entendre sa voix dans tout le pays par le biais d'un programme de décentralisation bien connu sous le nom de programme de Nancy. Donc rapidement, hein, localement, la vie politique et intellectuelle à Nancy est alors animée par le mouvement qu'on appelle l'otaringiste, qui rassemble des érudits aux profils variés autour de deux objectifs principaux. D'abord, il s'agit d'assurer le rayonnement de Nancy et de la Lorraine. C'est ce qui va conduire, hein, par exemple, à fonder le musée Lorrain ou à rétablir les facultés à Nancy qui avaient été donc supprimées sous la Révolution française. Donc assurer le rayonnement de la province et défendre les libertés locales conformément au traité de réunion des duchés à la France. Donc c'est ainsi qu'en 1865, sous la conduite d'Alexandre de Metz-Noblat, d'Édouard Cournot ou encore de Faublanc, est rédigé un projet de décentralisation très précis, dont le retentissement est assuré par les commentaires des différents correspondants, donc qui sont donc des sommités de l'opposition, auxquels le programme va être envoyé. Donc on va envoyer par exemple le programme à Jules Ferry, Eugène Pelletan, etc. Donc si pour ces intellectuels, l'exaltation de leur province n'enlève rien au sentiment d'appartenance nationale, ce projet va être assez mal reçu par le régime impérial, qui craint d'être contesté, d'autant plus que le baron Buquet, donc le maire de Nancy, est peu apprécié. Le contexte est véritablement la suspicion. C'est ainsi qu'on peut voir que un important partisan orléaniste, donc le comte d'Haussainville, est surveillé par une police, on pourrait dire, politique. Donc pour le Second Empire, ces fêtes séculaires, 1866, ont eu lieu donc à un moment crucial. Si elles vont mettre en valeur la région et son histoire, elles ne doivent pas servir à relayer donc ces velléités jugées décentralisatrices des bourgeois nancéens, donc que le pouvoir, comme je vous le disais, perçoit comme une attaque. C'est pourquoi le régime, pour ces fêtes, va s'adresser en priorité à la foule, venue en nombre grâce aux wagons de la compagnie des chemins de fer affrétés pour l'occasion. On estime ainsi à environ 200 000 le nombre de participants aux journées de Nancy. Donc un intérêt très important porté à la foule, et au contraire, le gouvernement ne va pas se soucier de mécontenter les milieux dirigeants et intellectuels en annulant, par exemple, on le sait, la séance publique de l'Académie de Stanislas qui était prévue durant ces fêtes. Donc bien évidemment, le point de vue de cet album est celui donc du régime impérial, on l'a vu, qui souhaite utiliser les fêtes séculaires pour réaffirmer son pouvoir dans une région et dans une ville traversée par un lotharingisme qu'il juge dangereux. Donc c'est ainsi qu'on va le voir, le récit est détaillé avec un angle, un point de vue tout à fait particulier. Donc dès le titre, déjà, il y a une première chose qui frappe le lecteur, c'est l'absence de l'empereur. L'absence de Napoléon III, dont la présence était pourtant prévue lors des préparatifs. Donc c'est par une dépêche télégraphique conservée aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle que le préfet, M. Potvin, apprend le 12 juillet à 4h50, donc quelques jours avant l'événement. On peut lire donc sur cette dépêche, c'est assez concis, « L'empereur ne vient plus en Lorraine. » Point. Donc s'il n'est pas du voyage, Napoléon III, on va le voir, n'est pas pour autant absent du récit officiel. Félix Ribert parle beaucoup de lui, on le voit beaucoup. Par exemple, lorsqu'il accompagne femme et enfant au départ du train, gare de l'Est. Puis, il est régulièrement fait référence à lui durant toutes les allocutions officielles, ainsi que dans quasiment toutes les réponses adressées par l'impératrice. Donc vous avez ici à l'écran, alors là vous ne devez pas voir grand-chose, mais il se trouve qu'on conserve au musée un petit carton donc, qui comporte trois photographies, donc un petit souvenir des fêtes qui étaient distribuées ou vendues en 1866 aux participants. Et vous pouvez voir que donc, sur ce souvenir, on voit trois portraits, l'empereur, l'impératrice et le prince impérial. Donc dans le récit, voilà, les gens, il reste 10 minutes. Donc tout le monde semble regretter son absence, mais tous l'excusent parce qu'en réalité, Sa Majesté impériale est retenue par d'importants problèmes internationaux. Ainsi, M. Million, député et maire de Bar-le-Duc, oriente-t-il son discours, retranscrit donc dans l'album, dans ce sens. Les regrets sincères causés par son absence sont toutefois adoucis par le légitime orgueil que nous éprouvons en voyant le prince que la France a librement choisi pour diriger ses destinées, devenu le médiateur pacifique de grands peuples engagés dans des luttes sanglantes. Donc Napoléon III est le grand médiateur de l'Europe, ainsi que la ville de Chalon-sur-Marne l'a écrit sur un arc de triomphe élevé entre la gare et la ville, en prévision de sa venue. De fait, on sait que son voyage va être annulé suite à la défaite autrichienne de Sadova, intervenue quelques jours plus tôt, donc le 3 juillet 1866. Cette bataille s'avère décisive pour l'Europe, comme vous le savez, le royaume de Prusse l'emportant face à l'Autriche au sein du monde germanique. C'est une étape importante dans l'unification allemande, redoutée par les Français. Donc si Napoléon est absent du voyage, Eugénie, elle, est au centre de toutes les attentions. Elle va être d'ailleurs appelée à partir de 1866 à siéger aux côtés de l'empereur au Conseil des ministres et elle va incarner le régime impérial durant tout son voyage en Lorraine. Elle va l'incarner d'autant plus et d'autant mieux qu'elle est accompagnée du prince impérial. Sur les gravures, comme vous pouvez le voir, les deux personnages sont représentés souvent côte à côte. Donc, Comme on l'a vu, il est intéressant de noter que notre récit, donc le voyage en Lorraine, est précédé du voyage à Amiens, effectué le 4 juillet 1866, alors que la capitale picarde est en proie à une grave crise de choléra. L'impératrice est alors décrite tout au long de notre récit comme une souveraine thaumaturge, donc une souveraine qui visite les malades sans craindre la contagion. Cet épisode va être très relayé par les artistes et par la presse, et il marque les esprits jusqu'en Lorraine, où elle est accueillie quelques jours plus tard sous les cris de « Amiens » pour rappeler son comportement héroïque. Au cours de son séjour, outre le fait d'assister aux fêtes séculaires, Eugénie va visiter de nombreuses œuvres de bienfaisance. Par exemple, les 16 et 17 juillet à Nancy, on lui présente la colonie pénitentiaire de Gentilly, donc, qui est une maison de correction fondée en 1863, l'hôpital Saint-Charles, des asiles, des orphelinats, des institutions de sourds-muets, etc. Donc on nous dépeint vraiment une impératrice qui ne craint pas d'aller au-devant des plus modestes et de la population qui souffre. Donc vous voyez déjà un petit peu la dynastie qui est dessinée, donc le portrait qui est dessiné tout au long de ce récit. On voit un empereur qui est absent, mais c'est parce qu'il sauve le monde, et une impératrice qui est une figure maternelle bienfaitrice très importante. Au-delà de ces deux traits, l'album insiste beaucoup sur les liens dynastiques entre le régime donc actuel, le Second Empire, et le Premier Empire, auquel les Lorrains paraissent avoir été particulièrement fidèles. Donc l'album est construit en chapitres qui débutent tous par un descriptif de la ville traversée, donc son histoire, ses grands hommes, ses activités économiques. Or, les hommes et les événements rappelés sont soigneusement choisis pour insister sur la place importante de la Lorraine dans la destinée française et, en particulier, sur les liens forts qui unissent les Lorrains au premier empereur, l'oncle de Napoléon III. C'est ainsi qu'à l'évocation de Bar-le-Duc, par exemple, Félix Ribert cite la figure d'Oudinot quasi exclusivement. De fait, la région, on le sait, a fourni de nombreux militaires à Napoléon Ier, et c'est vraisemblablement à ses côtés, durant les guerres de la Révolution et de l'Empire, que les anciens duchés ont fini d'être incorporés à l'espace national dans l'esprit des Lorrains et des Français. Et si d'autres personnages historiques vont être cités, c'est toujours pour inscrire l'histoire de la Lorraine dans le grand roman national français. Donc on va le voir, j'essaie de raccourcir pour être plus concise, on va le voir tout de suite. Donc, ce qui est vraiment intéressant quand on regarde et quand on lit à travers les lignes de cet album que je vous présente, c'est de mettre en parallèle la vision de la Lorraine véhiculée par l'album, donc par le récit impérial, et la vision de la Lorraine mise en scène par les organisateurs des fêtes séculaires qui ont longuement préparé les deux grands défilés de Nancy qui vont être de véritables sommets de manifestations lotharingistes. Donc, comme je vous le disais, l'album est construit en chapitres. Il suit les différentes villes de la ligne de chemin de fer de l'Est, qui est donc la ligne de chemin de fer que va emprunter le convoi impérial. L'impératrice et le prince traversent Meaux, Château-Thierry, Épernay, Chalon-sur-Marne, Vitry-le-François, pour rejoindre Bar-le-Duc, Toul, Nancy et enfin Lunéville. Donc chaque ville bénéficie d'une petite gravure, donc je ne sais pas si vous voyez là encore grand-chose. Mais voilà, on suit vraiment les différentes gares, et ce n'est pas anodin, puisque le voyage et sa traduction dans cet album doit vraiment témoigner des progrès et des innovations technologiques soutenues par le régime, notamment dans le domaine des transports. Donc à chaque étape, à grand renfort de gravure, Félix Ribert nous dresse le portrait de la ville traversée avec les principales activités industrielles et artisanales. Donc pour Bar-le-Duc, par exemple, donc la ville de Bar-le-Duc va accueillir les visiteurs, donc l'impératrice et le prince impérial, sous un arc de triomphe de l'agriculture et de l'industrie. L'armée des travailleurs, donc je cite, ovationne l'impératrice et son fils. Et parmi les traits caractéristiques de la ville figurent donc évidemment les fameux produits du pays, la confiture de groseille et de framboise de Bar, spécialité locale. De même, sont évoqués et sont cités à plusieurs reprises les dragées de Verdun qui figurent dans les baptêmes princiers et Commercy qui se distingue pour ses pâtisseries exquises qu'on désigne sous le nom de Madeleine. Pour Nancy, pour la ville de Nancy, c'est la broderie qui est mise en valeur. Donc 6 robes vont être brodées à l'attention de l'impératrice. Elle rentre d'ailleurs dans Nancy vêtue d'une création locale afin de faire honneur à l'industrie du pays. Donc tous ces extraits peuvent paraître anecdotiques, mais en même temps, ils nous donnent un peu à comprendre la situation économique de la région en ce milieu de siècle. À Nancy, hein, par exemple, on cite la broderie parce que le textile est toujours une des premières activités, même si son déclin s'amorce tout juste. Donc, outre l'économie, Félix Ribert présente les villes traversées en rappelant de grands événements historiques qu'il choisit évidemment de manière particulièrement méticuleuse. Donc, ce discours est intéressant à décrypter car Félix Ribert va mettre en évidence certains faits de l'histoire, voire parfois des légendes, et va occulter d'autres histoires qui mettent moins en valeur donc le lien entre la Lorraine et la France. C'est dans ce sens que cet album peut être vu comme un véritable exercice de réécriture de l'histoire franco-lorraine. Car si le déplacement impérial est motivé par le centenaire de la réunion des anciens duchés à la France, l'album nous apprend que finalement, l'histoire de la région s'est toujours inscrite dans le roman national. Pour Bar-le-Duc, par exemple, c'est la venue de Louis XIV en 1670 qui est mentionnée. De même, le duc de Guise est cité aux côtés des maréchaux d'Empire comme un exemple de barois célèbre. Dans le chapitre suivant, pour Toul, on peut lire « L'évêché de Toul, distrait de la Haute-Lorraine vers 984, forma une souveraineté indépendante. Il rentra sous l'autorité du roi de France en 1421, puis tout de suite, on nous apprend que sa soumission à Henri IV, à qui elle fit une réception magnifique en 1603. » Donc la date, par exemple, de 1421 peut interroger, car ce n'est qu'à partir de la victoire française ensuite au siège de Metz en 1552 que les Français s'installent véritablement dans les trois évêchés. Oui, je suis en retard, c'est ça, non ? Dans les trois évêchés qui intègrent officiellement donc la France après le traité de 1648. Et pour Nancy, donc une des plus belles villes de France, je cite l'album, seul le souvenir de Stanislas, le beau-père du roi de France Louis XV, est rappelé. Donc sa cour brillante et ses fondations sont particulièrement détaillées. La famille impériale s'inscrit donc dans la lignée des grands souverains français, ceux qui ont marqué l'histoire nationale, mais aussi l'histoire régionale. Ainsi, dans l'album, on va trouver très peu de références à la famille de Lorraine, et il n'est jamais fait mention des liens avec le Saint-Empire romain germanique. On note toutefois la visite de l'impératrice et du prince impérial, mardi 17 juillet, donc tout à la fin du séjour, à l'église des Cordeliers. Donc là, Ribert nous dit « La partie la plus curieuse de la chapelle des Cordeliers, c'est la chapelle ronde, sépulture des ducs de Lorraine. Ce pieux asile est le Saint-Denis de l'ancienne province. » Mais tout de suite après, le texte détaille plus longuement, un peu pour faire en contrepartie, le texte détaille beaucoup plus longuement la visite de l'impératrice à la chapelle de Bon Secours. Non, je ne vous avais pas montré tout, excusez-moi. À la chapelle de Bon Secours, donc, qui bénéficie là d'une gravure, où reposent les restes du bon roi Stanislas. Autre fait marquant et intéressant, puisqu'on est aujourd'hui à Don Rémy, le nom qui revient le plus régulièrement au travers des pages, donc le personnage lorrain par excellence qui est souvent cité, c'est notre fameuse héroïne, Jeanne d'Arc, dont le parcours peut-être s'inscrirait plutôt dans une histoire du royaume de France que dans celle des anciens duchés de Lorraine. Donc si on peut proposer une lecture critique de cet album, donc une lecture qui mettra en évidence les grands absents, donc on ne voit pas les ducs de Lorraine, les faits passés sous le silence, par exemple l'indépendance des duchés à l'époque moderne ou encore les liens entre la Lorraine et les Habsbourg. On peut aussi mettre en évidence le fait que les temps forts du programme des fêtes séculaires, donc les deux grands événements nancéens dans l'album, se trouvent finalement relégués au second rang et se trouvent noyés dans tout un tas de présentations de visites officielles qui paraissent pour le moins anecdotiques au regard des archives conservées. Car à Nancy, on va conserver beaucoup de traces de la préparation de ces deux grands événements qui vont mobiliser des Lorrains de toute la région. Donc ces deux grands événements vont être d'abord le défilé des délégations de l'ancienne Lorraine et la cavalcade historique. Donc l'album va y faire référence, hein, évidemment, mais va finalement passer assez rapidement au vu de l'importance de l'événement. Donc, le 15 juillet, l'impératrice assiste, je cite, « à un défilé si imposant et si remarquable des députations lorraines. Le tableau était digne du décor, donc la place Stanislas. Qu'on se figure d'une population d'au moins 30 000 âmes, formant des compagnies différentes de costumes, défilant, bannière en tête, devant l'impératrice et le prince impérial, et acclamant avec enthousiasme sans exemple la souveraine et l'héritier du trône. C'était un spectacle émouvant et admirable. Toute la Lorraine était là, heureuse et fière de saluer l'héroïne d'Amiens et l'enfant de France. » Donc l'événement est quand même d'importance, il fait l'objet, comme vous le voyez, d'une gravure, donc c'est cette gravure qui est d'après un dessin de Meissonnier. Donc Félix Ribert décrit malgré tout les francs-tireurs de Neuchâtel, de Saint-Dié, d'Épinal, les députations des Vosges, etc. Et il insiste évidemment sur Don Rémy, qui porte la bannière de Jeanne d'Arc et pour qui la foule s'exclame « Vive l'héroïne d'Orléans, vive l'héroïne d'Amiens ». Donc l'impératrice et Jeanne d'Arc sont rapprochées tout au long du récit. Elles sont toutes les deux des figures protectrices et libératrices. Donc juste rapidement, donc à la lecture des archives, on découvre un événement un petit peu différent, puisque en réalité, ce défilé va être préparé par les lotharingistes, dont le baron Guerrier de Dumas et Henri Lepage, qui d'ailleurs, on peut voir dans les archives, s'énervent de devoir corriger bon nombre d'erreurs historiques dans la préparation des costumes et du décor. Donc en réalité, le défilé va s'organiser autour de délégations qui vont venir de toute l'ancienne Lorraine, et toutes ces délégations vont être parées de leurs blasons, de leurs bannières, qui évoquent certes les activités contemporaines, mais qui laissent une place importante à la mémoire et à l'histoire ducale, mémoire que ne rapporte pas du tout notre album. De même, plus tard, pour la cavalcade historique du 17 juillet, cavalcade historique qui se produit devant l'impératrice et le prince impérial installé au balcon du palais du gouvernement, donc comme vous pouvez peut-être le voir sur cette gravure. Dans le texte, on peut lire que ce cortège formé de 11 groupes distincts retrace avec une parfaite exactitude l'histoire de la Lorraine depuis Lothaire, premier roi de Lorraine, jusqu'à Stanislas, roi de Pologne et dernier duc. Donc on nous dit que c'est un spectacle nouveau, que c'est un spectacle saisissant, et on nous cite des exemples, donc les cavaliers austrasiens, les hallebardiers suisses, les archers de la garde de Stanislas, mais surtout on nous détaille, donc on nous dit les yeux se posent surtout sur le quatrième groupe, au milieu duquel apparaît Jeanne d'Arc, précédée de sa bannière victorieuse. Et on peut lire également que ce nombreux et magnifique cortège, donc celui de Jeanne d'Arc, précède le char allégorique de la France protégeant la Lorraine. Donc sur 11 chars, on nous en décrit uniquement 2, et les 2 qu'on nous décrit donc, sont ces chars particulièrement français, si l'on peut dire. Donc cette reconstitution, à noter que cette reconstitution des grandes heures de l'histoire lorraine avait mobilisé des délégations venues de toute la région, et donc était un défilé particulièrement divers. Ainsi, on peut constater un vrai décalage entre la description de la Lorraine, telle que véhiculée par le discours officiel donc, dans cet album, la situation régionale et les aspirations d'une partie de la population bourgeoise et érudite, regroupée sous la bannière des lotharingistes. Donc pour terminer, rapidement, qu'a-t-on appris de la place de la Lorraine en France 100 ans après sa réunion à l'espace national? Donc on a vu par la description faite dans cet album que la Lorraine paraît être une province pleinement intégrée, à la fois donc désireuse de fêter le centenaire, mais aussi soucieuse d'assurer son rayonnement et soucieuse de garantir ses libertés. Et c'est ce souci qui est mal perçu par le régime, donc un régime impérial qui est en proie à des difficultés politiques au niveau national, on l'a vu, et international. Donc ce souci va être jugé comme un comportement contestataire, voire indépendantiste. Donc le voyage impérial de juillet 1866 à Nancy doit renforcer les liens entre cette province et le pouvoir central. C'est ainsi que cet album, publié quelques mois plus tard, est une œuvre de propagande qui propose donc une vision franco-centrée de la Lorraine qui, en outre, semble devoir beaucoup à la dynastie napoléonienne. Donc juste pour conclure, il semble qu'à la lecture de cet événement, les fêtes séculaires avaient deux objectifs tout à fait différents. Donc pour les organisateurs, les Lorrains et en particulier les lotharingistes, il s'agissait de faire la démonstration de l'importance de la Lorraine pour ainsi renforcer sa place dans la nation française, selon l'adage bien connu « chérir la petite patrie pour mieux servir la grande ». Alors que pour le régime impérial, comme nous l'a montré cet album, il s'agissait de rappeler surtout que l'histoire lorraine s'est toujours écrite dans le roman national français. Et donc il s'agissait pour le régime donc de faire œuvre de propagande dans un contexte, on l'a vu, particulièrement tendu durant la décennie 1860. Je vous remercie.